réveil sonne. Tu ne bouges absolument pas. Tu restes dans ton lit. Tu refermes les yeux. Comment 6 heures? Bonjour tout le monde, merci de vous réveiller avec Un autre jour est possible en ce lundi 14 décembre. Dans 2 jours, vous le savez, sort au cinéma La Guerre des Étoiles, numéro 7, Le Réveil de la Force, le blockbuster le plus attendu de l'année et qui nous arrive à un moment où la guerre est présente ou menace partout. Toute cette semaine, l'historien Thomas Snegaroff nous propose plutôt une lecture politique de cette saga cinématographique lancée par George Lucas. De la guerre du Vietnam aux années Reagan, du concept du côté obscur de la force à celui de l'axe du mal lancé par Bush, une analyse en 5 jours, 5 épisodes. Dans un instant, le premier volet de notre série, La guerre des étoiles n'aura pas lieu. En deuxième partie, profitant du fait que le Collège de France lui déroule le tapis rouge, je reçois l'écrivain Alain Mabankou pour son dernier roman, Petit Piment. Que la sagesse soit avec nous, aujourd'hui plus que jamais. Un autre jour est possible, votre réveil culturel, c'est parti. Somewhere in space, this may all be happening right now. Star Wars. Here they come. The story of a boy, a girl, and a universe. Tête chercheuse avec Thomas Snegaroff. Bonjour. Bonjour. Vous êtes historien spécialiste des questions géopolitiques et des États-Unis. Et cette semaine, on va parler de La Guerre des Étoiles. La Guerre des Étoiles n'aura pas lieu. C'est une série qui parle du contexte politique de La Guerre des Étoiles. Premier épisode, le trauma vietnamien. Ce qui semble un peu bizarre, parce qu'on se dit que la guerre des étoiles, ça doit concerner plutôt la guerre froide. Et ben non, vous décidez de commencer cette série en nous parlant de la guerre du Vietnam. Pourquoi ? Parce que la guerre du Vietnam est un traumatisme qu'on a du mal à aujourd'hui imaginer, surtout de ce côté-ci de l'Atlantique. Du côté des États-Unis, ça reste un traumatisme très fort. D'abord, un traumatisme humain. Il faut imaginer juste que 51 000 GIs ont perdu la vie, que plus de 200 000 ont été blessés. Il y a eu des dizaines de livres et de films, Michael Cimino, Voyage au bout de la nuit, sur le retour et le traumatisme des anciens soldats du Vietnam. Il y a eu toute une littérature, tout un cinéma, toute une culture populaire autour de la guerre du Vietnam, qui n'est pas qu'une défaite militaire. C'est-à-dire que si ça a autant choqué les Américains, c'est bien sûr, il y a la dimension de défaite. Quand Richard Nixon, qui reviendra en grâce dans les années 80, un peu plus tard, après la disgrâce dont on parlera, parce que c'est indissociable de la guerre du Vietnam, quand Richard Nixon reviendra en grâce et qu'il écrira « No more Vietnam », ça a un double sens. C'est plus jamais de défaite militaire, mais aussi plus jamais de traumatisme à la hauteur du Vietnam. Alors ce traumatisme du Vietnam, outre effectivement les statistiques brutes, voire brutales, de la mortalité, des blessés, des gens qui reviennent, qui sont perdus, hein, c'est ça, Michael Cimino, c'est vraiment voilà l'espèce de désarroi qu'on retrouve aussi dans ce délire militaire, qu'on retrouve aussi dans Apocalypse Now de Coppola. Donc on a effectivement tout un terreau culturel autour de ce traumatisme, mais il y a aussi vraiment une rupture presque historique quant à l'image de l'homme américain, de l'homme blanc, qui aurait failli dans ce conflit militaire. Il a failli d'abord parce qu'il a perdu. Il a failli en plus parce qu'il a perdu contre des hommes moins bien armés que lui, parce qu'il a failli face à plus d'intelligence aussi. Et c'est quasiment une défaite d'une forme de virilité américaine, qui est pourtant indissociable de l'aventure américaine. Juste pour citer le sociologue, le grand sociologue américain James Gibson, qui évoquera à la fin de la guerre du Vietnam, il dira « c'est la fin de l'archétype de la régénération de l'Amérique par la violence ». Comme si, à chaque période de l'histoire américaine, les grands moments d'inquiétude, de déclin, de crainte de l'avenir, se traduisaient en général par un déluge de violence, par un retour de la virilité, par un retour de la masculinité américaine extrêmement réaffirmée autour de la figure de l'homme, blanc en général, mais pas que blanc, parce qu'au Vietnam, il y a beaucoup d'hommes noirs, mais en tout cas, de l'homme américain, qui retrouve sur le champ de bataille, une espèce de mythologie américaine d'une présence finalement dans les contrées lointaines qui ont été à l'origine même de la nation américaine. Il faut jamais oublier que la nation américaine, c'est la conquête. C'est la conquête. Voilà, c'est la conquête de l'Ouest. C'est repousser la frontière de la barbarie. Or là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les Américains, l'homme américain, le militaire américain, pourtant plus fort, pourtant en plus technologiquement mieux armé, eh bien va se retrouver vaincu en plus par un peuple qu'il prétendait vouloir civiliser. Donc il y a là une espèce d'inversion des valeurs, et vous allez avoir aux États-Unis un traumatisme extrêmement profond qui va d'ailleurs se traduire par l'élection de Jimmy Carter en 1976. J'ai pas mal travaillé sur la figure du corps présidentiel aux États-Unis. Et il y a des moments où on a des corps virils qui se présentent, hein, qui donnent à voir à l'Amérique un miroir flatteur, celui de l'Amérique d'un président viril et fort. Et vous avez des moments comme ça de doute où vous avez des présidences un peu différentes, et celle de Jimmy Carter est profondément différente, notamment parce qu'il y a une forme de désacralisation de la fonction, mais aussi parce qu'il présente un corps qui est beaucoup moins héroïque, beaucoup moins militarisé. Et ça, on peut lire cette histoire, mais pas uniquement autour du Vietnam, mais remonter très tôt, hein, dès la fin du 19e siècle, lorsque vous parliez de la conquête de l'Ouest, lorsque la frontière est posée, hein, Fred Turner dira, voilà, la frontière est posée, c'est la fin, en 1890, de la conquête, on a atteint le Pacifique, c'est fini, il n'y a plus de territoire à conquérir, la frontière est conquise. La question se pose alors, que devient l'homme américain, l'homme blanc face à ça? Et vous avez une littérature extrêmement forte à l'époque, du déclin de l'Amérique, qui est affaiblie aussi par l'arrivée de beaucoup de migrants méditerranéens, qui affaiblissent la race américaine, soi-disant la grande race américaine, celle de l'Écossais, de l'Irlandais. Et vous avez un Theodore Roosevelt, par exemple, qui va monter sa carrière politique autour d'un départ de New York vers les contrées encore dites sauvages, qui va faire la guerre de 1898 contre Cuba au sein d'un régiment qu'il a lui-même mis sur place, avec en plus la présence bienveillante des journaux populaires qui ont besoin de la guerre pour vendre des journaux. Hein, c'est l'aventure des Yellow Papers, l'aventure de William Randolph Hearst qui donnera Citizen Kane sous la plume et sous la caméra de Orson Welles. Et donc vous allez avoir cette espèce de type qui devient fort, qui va chasser le grizzly, l'ours, l'éléphant un peu partout, et qui va redonner à l'Amérique ce qu'elle était en train de perdre avec la fin de la conquête de l'Ouest. Mais ça, on le retrouvera régulièrement dans l'histoire américaine. On le retrouvera notamment avec John Kennedy. On se trompe toujours sur Kennedy, on imagine toujours que c'est le bel âtre, mais Kennedy, il arrive surtout avec un discours de « je vais redonner du muscle à l'Amérique, l'Amérique a un muscle gap, un gap musculaire avec l'URSS, et je vais être celui qui va régénérer la nation américaine, le sport dehors, etc. » Toutes ces dimensions, et puis la guerre, hein. Kennedy va mettre en avant énormément son héroïsme supposé, je dis supposé parce qu'il a été monté en épingle lors de la guerre dans le Pacifique pendant la Seconde Guerre mondiale, et la guerre du Vietnam devait à nouveau avoir cette fonction-là finalement dans les années 70, et elle s'est révélée un fiasco, c'est-à-dire que ça n'a pas du tout marché, et donc on peut imaginer les conséquences traumatiques que ça peut avoir sur cette nation qui a besoin de se régénérer régulièrement par la violence physique, par la violence militaire. C'est aussi une des clés pour comprendre l'aventurisme guerrier américain qui est quand même une récurrence du XXe siècle. Sauf que cette fois-ci, pour la guerre du Vietnam, il y avait déjà une opposition, c'est-à-dire une société civile aux États-Unis qui s'était opposée à cette guerre. On est porté par tous les mouvements des années 60. Alors en fait, très peu. C'est-à-dire que bien sûr, on les connaît parce que ça a été médiatisé. Voilà, c'est des gens qui chantent, c'est des gens qu'on entend beaucoup parce que qu'ils manifestent, voilà. Et puis ils ont une bonne oreille de ce côté-ci de l'Atlantique. On aime bien nous agiter un peu ces figures-là qui nous rassurent aussi un peu sur l'Amérique qu'on aime adorer, qu'on aime détester à la fois. Mais en même temps, les sondages d'opinion sont terribles. Jusqu'en 1969, donc la guerre est vraiment déclenchée. Ce qu'on appelle les colombes, c'est-à-dire des gens qui veulent le repli militaire, ce n'est que 4% des Américains. C'est extrêmement faible. Vous avez des gens qui veulent vraiment en découdre et qui sont, au contraire, les faucons, à savoir ceux qui veulent une escalade militaire, sont bien plus de 50% des Américains. Et ce qui est intéressant, c'est que ça va basculer très vite et de manière extrêmement impressionnante autour de l'année 69-70. Et là, vous avez raison, là je suis d'accord avec vous. Jusqu'à la fin de la guerre, on commence à voir les colombes qui deviennent majoritaires dans le pays. Même si, avec une nuance très forte par rapport à ce que vous disiez, jamais, au grand jamais, une majorité des Américains ne soutiendra les mouvements dans les campus et les manifestations qu'on peut avoir vues ici dans des documentaires, par exemple. C'est-à-dire qu'ils peuvent consciemment et intellectuellement considérer que c'est une erreur de faire la guerre, mais de là à affaiblir la nation américaine en allant manifester, ça c'est quelque chose que les Américains en général n'aiment pas tellement, et donc on n'est pas allé jusque là. Mais il y a deux temps vraiment très importants, il y a avant 69-70 et après 70. D'ailleurs Nixon, contrairement à ce que la culture populaire a conservé en tête, est l'homme du désengagement en fait au Vietnam, notamment au début, alors il ne durera pas longtemps, hein, mais de son deuxième mandat à partir de 1972. Alors on voit bien le contexte, je ne sais pas si George Lucas faisait partie des pacifistes qui manifestaient contre la guerre du Vietnam, mais ce qu'on apprend en lisant votre livre, Thomas Negaroff, La guerre des étoiles, l'Amérique et ses démons, c'est qu'avant de se lancer dans l'aventure de la guerre des étoiles, il était intéressé par Apocalypse Now. Oui, en fait le projet de la guerre des étoiles, le film a été hyper chaotique, très compliqué à monter, très cher, difficile à vendre, parce que vous voyez, on parlait du traumatisme du Vietnam. Quand Lucas va voir les producteurs et il leur dit, je vais faire un film qui s'appellera, alors en France, en anglais, c'est Les Guerres de l'Étoile. D'ailleurs, c'est intéressant, la traduction Star Wars, c'est Les Guerres de l'Étoile. Et quand il arrive avec ce mot-là, on lui dit, oh là là, guerre. Ah non, c'est pas possible. Les guerres, c'est fini. On veut pas. Les gens ne voudront jamais aller voir un film où il y a le mot guerre. Pour vous dire à quel point. Alors ils sont trompés. Et peut-être on expliquera pourquoi ils sont trompés, pourquoi ça a autant marché. Parce qu'il offrait en fait une réponse au traumatisme et non pas il enracinait pas le traumatisme, c'était un peu différent. C'est une sorte alors de que pour les producteurs d'Hollywood, c'était vite oublié, voilà, tout ça. Voilà, le mot Vietnam, tournant la page. Ouais, quoi. Le mot Vietnam, c'est un mot maudit. Mm-hmm. Et effectivement, et quand ça allait mal, son copain Coppola lui propose d'aller tourner Apocalypse Now, et il le fera pas. Mais l'histoire de Lucas et de la guerre du Vietnam, elle est indissociable. D'ailleurs, Lucas lui-même expliquera dans une des premières interviews qu'il fera sur son projet qu'il s'agit vraiment de raconter un empire technologique, les États-Unis, en proie avec des rebelles qui n'ont que leurs idéaux pour combattre. Et donc par une espèce de miroir inversé, dans l'histoire de Lucas, en tout cas dans ses premiers jets, dans sa première réflexion, il se place du côté des combattants du Viet Minh, du côté des opprimés, et il rejette l'empire technologique qui sera d'ailleurs vaincu par les valeurs, par l'intelligence, par le courage, tout ce que vous voulez, des rebelles. D'ailleurs, pour ceux qui connaissent bien la saga, dans le retour du Jedi, les Ewoks sont vraiment les combattants Viet Minh qui combattent dans la forêt, qui maîtrisent bien le terrain parce que c'est chez eux. Ça rappelle vraiment ce qui s'est passé pendant le Vietnam. Et c'est ce que voulait George Lucas, ou ça c'est des analyses, des critages de gens bien éduqués, bien cultivés sur France Culture? Écoutez, je vais vous le citer. George Lucas en 1973. Un grand empire maîtrisant la technologie poursuit un petit groupe de combattants de la liberté. Voilà comment il définit en 1973 son œuvre. Il commence l'écriture à ce moment-là. On est en 73. Aujourd'hui, bien sûr, on peut se dire « Oh, c'est une reconstitution », mais à l'époque, on ne pense qu'à ça. En 1973, notamment quand on est un jeune cinéaste qui vient de Californie, la guerre du Vietnam, elle est partout. Et d'ailleurs, c'est intéressant, c'est que lui-même, Lucas, a suivi la même courbe que les Américains. Au début, il a voulu faire la guerre. Il a voulu se lancer, et puis comme il avait du diabète, bah il a été et puis beaucoup de PV qu'il n'avait pas payé, on l'a dissuadé de se lancer dans, voilà, de se faire incorporer dans l'armée américaine. Et puis après il bascule dans des mouvements anti-guerre comme les Américains à partir des années 70, et son histoire, il commence à l'écrire en 1973, donc au moment où les États-Unis se désengagent du Vietnam, et en 75, il est en cours de production lorsque Gerald Ford annonce la fin de la guerre du Vietnam. Et puis le film sort en 77 lorsque Jimmy Carter octroie l'amnistie à ces dizaines de milliers de déserteurs jeunes américains qui avaient fui notamment au Canada. Il leur dit, vous pouvez rentrer aux États-Unis, il ne vous arrivera rien de problème, sauf si vous avez commis des meurtres, bien sûr, mais il n'y aura pas de problème. Et donc, on voit comment son histoire va s'inscrire dans l'histoire du Vietnam et va raconter quelque chose de ce traumatisme. La guerre des étoiles n'aura pas lieu. C'est une série avec l'historien Thomas Negaroff. On se retrouve demain pour le deuxième épisode Thomas Negaroff, mais on va terminer avec Frank Zappa. Un morceau que vous avez vous-même choisi. Oui, parce que c'est un mouvement très anti-Nixon, parce que dans cette espèce d'agglomérat anti-guerre du Vietnam, on a mis dans le même paquet la guerre du Vietnam et Nixon, figure Oni aussi avec le Watergate. C'est une Amérique qui doute, une Amérique qui décline. Et Zappa, qui a été dans les deux mouvements, anti-Nixon et anti-guerre du Vietnam, fait la synthèse, même si ici c'est une chanson très anti-Nixon. À demain, Thomas Negaroff. Millions and millions of dollars. Earn much as in my day. Good one. Earn. He can open up a chain of motels for ball. Earn. On the highway, yes indeed. Wagon-honey desperation. Go and pinch that loaf now. There might be confined with loaf all under your bed. Well, you know, if you just might pinch a little loaf in your slumber, nurse, the FBI is gonna get your number. Gonna get you. Gonna get you. Gonna jump out the subcommittee and get ya. FBI. Gonna get your number. FBI. Gonna get your number. FBI. Gonna get your number. FBI. Gonna get your number. Un autre jour est possible. Par Toufik Hakem. Tous les matins sur France Culture. Et maintenant, l'invité culturel. Mon invité ce matin, l'écrivain Alain Mabankou. Bonjour. Bonjour. Tiens, comment on dit bonjour en Lingala? On dit toujours beauté. Beauté. Voilà, ou bien Sangonini, quelle nouvelle. C'est plus positif de dire Sangonini, quelle nouvelle, que justement bonjour. Il faut toujours avoir quelque chose de plus positif. Bon alors, on ne l'appelle pas David Copperfield, mais Moïse, ou Petit Piment, le protagoniste de votre dernier roman. Et l'histoire ne se passe pas dans l'Angleterre victorienne du 19e siècle, mais au Congo, dans la République démocratique du Congo, dans les années 60-70, c'est-à-dire au lendemain des indépendances africaines. Et sinon, Petit Piment, qui donne le titre au roman, édité au Seuil dans la collection Fiction et Compagnie, vit lui aussi dans un orphelinat. Orphelinat autrefois géré par les colons et les curés et qui va passer sous les ordres des révolutionnaires marxistes de la révolution socialiste scientifique. Il y a de l'humour, de la dérision dans votre roman et une envie de raconter une jeunesse africaine loin des récits officiels. Ça sonne juste, c'est comme si c'était le couplet manquant d'indépendance tcha-tcha que vous livrez ici. Et sur fond de changements sociopolitiques profonds et souvent éprouvant pour les protagonistes de votre roman, cet enfant ramassé, comme on dit en Afrique pour désigner les orphelins, va prendre conscience de la vie, du poids de l'histoire. Il va s'enfuir de l'orphelinat pour vivre. Donc c'est aussi un roman initiatique. C'est un roman initiatique. C'est un roman qui montre aussi comment cette jeunesse congolaise a reçu les idéologies occidentales, a dû faire face à des idéologies comme celle du capitalisme, mais surtout du communisme. C'est aussi un roman dans lequel on apprend beaucoup sur peut-être le désespoir que nous avions eu en tant qu'enfants des années 70, quand nous étions abandonnés à nous-mêmes et que le politique africaine qui nous avait fait danser avec indépendance tcha-tcha-tcha dans les années 60, nous laissait presque au milieu de la piste avec une autre musique qui ne correspondait pas à notre culture. C'est comme si après avoir dansé la rumba avec les indépendances, en dansant Lingala, on changeait les disques et on nous mettait du Mozart. Et là, les gens se demandaient, mais il n'y a pas de parole, ou bien cette musique n'est pas la nôtre, pourquoi nous n'avions pas désormais la musique de Tabouley, la musique de Papa Wemba. On a tout d'un coup les saisons, les symphonies, mais qui ne ressemblent pas à ce qu'il y a dans les pays tropicaux. Alors quand vous dites nous, Alain Bamankou, c'est que vous vous considérez comme faisant partie de cette bande de jeunes orphelins qui entourent Petit Piment dans votre roman? Oui, parce que Petit Piment, l'existence de Petit Piment, c'est la mienne. Petit Piment est un personnage enfant. De fiction. Voilà, c'est vrai, personnellement, mais on dit toujours Madame Bovary, c'est moi. Les écrivains sont des grands menteurs qui essayent de faire passer les vérités sous le voile un peu de la fiction. Il n'y a pas de fiction sur cette terre. Il y a simplement la réalité qu'on essaye de saupoudrer avec une matière romanesque. Tout écrivain qui vient raconter que ceci n'est que de la fiction, toute ressemblance avec des personnages existants ou ayant existé, c'est faux tout cela. On ne crée jamais depuis la cuisse de Jupiter. Tout se passe avec la réalité. Et la beauté d'un écrivain, c'est comment il sait transformer la réalité en un chant d'amour, en une sorte de chanson, en une sorte de rêve. Les écrivains sont des vendeurs de rêves. Dans leur boutique, il n'y a rien et les matières premières, eh ben, ils la puisent dans la réalité. Oui, mais à la Bamanco, vous n'êtes pas passé par l'orphelinat, là. C'est l'écrivain qui... Je ne suis pas passé par l'orphelinat, mais il n'en demeure pas moins que j'ai fait l'école avec ceux qui venaient de l'orphelinat et que, dans les années 70, j'étais comme ce petit piment, victime, entre guillemets, des idéologies socialistes. J'ai récité les discours du président de la République. J'ai lu les Capitales de Karl Marx sans comprendre ce qu'il y avait dedans. J'ai lu les textes de Lénine sans savoir qu'est-ce qu'il y avait. Donc, dans une certaine mesure, petit piment peut être celui qui est en face de vous. Et petit piment, c'est tous ces Africains des années 60, 70, 80 qui demandent aujourd'hui au régime totalitaire des comptes, la reddition des comptes. Est-ce que tous les quartiers décrits dans votre roman, Alain Babankou, existent, hein, par exemple, ce sont des vrais quartiers? Oui, beaucoup de quartiers, la plupart de ces quartiers existent, le quartier 300, le quartier Rex, le quartier Fond, le centre-ville, tous ces quartier existe. Pointe-Noire aussi. C'est pour ça que j'ai dit que la fiction, vraiment que nous disons toujours la fiction, il n'y a pas de fiction, il n'y a que le pouvoir de transformer la réalité en roman. Alors ça commence dans un orphelinat, mais votre héros, Petit Piment, va s'enfuir. Oui. Et pour un autre établissement, un autre théâtre, où la misère n'empêche pas la vie, l'amour, etc. Et c'est un bordel, on peut le dire. Et là aussi, il va rencontrer un personnage très fort. Et c'est pas Madame Rosa, une fois de plus, mais Maman Fiat 500. C'est Maman Fiat 500. Maman Fiat 500, peut-être dans mon roman, symbolise aussi mon regard. Et aussi le fait que je veux dire que l'Afrique est portée par la femme. C'est vrai qu'elle est prostituée, mais ne jetons jamais la pierre à une prostituée, parce que ces prostituées congolaises de Pointe-Noire ou de Brazzaville étaient des personnages importants dans la vie quotidienne. Elles étaient comme les mères des enfants perdus dans la rue. Oui. Vous avez beaucoup de tendresse, et pour Maman Fiat 500, oui. Et pour ses filles aussi d'ailleurs. Oui. Et Petit Piment va devenir un peu leur boy d'ailleurs, il va acheter pour à manger, les capotes, les médicaments, tout ça. Et là, extrait, page 171, c'est la rencontre. Hein. Oui. C'était un dimanche après-midi, je traînais dans le quartier 300, non loin du cinéma Rex, lorsque je tombais sur cette dame, petite de taille, vêtue tout en rouge avec un foulard blanc, et qui s'apprêtait à traverser l'avenue de l'Indépendance, plusieurs sacs de courses dans les mains. Des hommes, jouant au damier sur le trottoir devant le bazar d'un Syrien, la sifflaient, sans doute à cause de son derrière qu'elle faisait bouger volontairement de haut en bas, puis de gauche à droite. C'était sa façon de faire un pied de nez à ces impolis qui lui lançaient quelques piques grivoises. Ah ben oui, c'était l'apparition de cette grande dame qui a existé. Une grande dame de prostitution au Congo-Brazzaville, mais qui avait comme un pouvoir économique, puisqu'elle était à la tête de 10 filles, elle s'occupait des enfants de la rue, ses clients ne venaient pas que pour les femmes, il y avait un petit restaurant derrière sa maison, certains venaient pour manger, ou bien certains qui voulaient qu'on ne sache pas qu'ils venaient pousser les putes, disaient toujours « je vais manger chez Maman Fiat 500 et plus si affinité ». C'est très bien. C'est très drôle, c'est une histoire initiatique parce qu'on va suivre Petit Piment jusqu'à l'âge de la sagesse, comme on dit, jusqu'à de 13 ans à 40 ans. Et puis, il y a d'autres histoires dans ce roman. Oui. Mais ce n'est qu'un prétexte peut-être pour vous de raconter tous les problèmes de l'Afrique depuis cette période, puisqu'il y a aussi l'histoire de comment enseigner son histoire officielle, comment enseigner la traite des Noirs par les Noirs aussi. Oui. Je pense que c'est peut-être, Petit Piment, c'est sans doute mon roman le plus politique. Mais le problème, c'est qu'en général, lorsque je parle des choses qui sont sérieuses, qui sont politiques, qui font du mal, j'ai toujours saupoudré cela sous la forme du détachement. Je vais avoir l'opportunité de rire, de garder le bénéfice de l'éclat du rire, même lorsque je suis en train de parler des choses sérieuses. Donc, dans ce livre, c'est vrai, on va trouver la question C'est vrai du communisme, la question des partis uniques, la question des dictatures, la question aussi de l'esclavage des Noirs fait par des Noirs ou l'esclavage des Blancs fait sur les Blancs. Et on va trouver d'autres questions sur la prostitution, les enfants délaissés dans la rue, mais tout cela à travers l'itinéraire peut-être exceptionnel d'un seul personnage qui est Petit Piment, peut-être broyé par le système politique en place dans ces années 70-80. Alors, vous avez réussi avec ce roman, je suis tout à fait d'accord avec vous, elle a un bon coup, c'est peut-être votre meilleur roman. Merci. Non, mais franchement, il est écrit d'une manière remarquable en français et pourtant il rend hommage au parler africain, aux langues africaines. C'est ça le tour de force que vous réussissez à faire avec Petit Piment. Merci, je garde toujours même, je garde l'accent. Donc, j'ai toujours tendance à dire que... Ah là, vous nous faites entendre. J'écris en français, voilà. J'écris en français avec mon accent. C'est ça qui fait peut-être la beauté de ma langue française, puisqu'il y a des langues françaises dans la mesure où il y a une pluralité d'écrivains. Moi, je voudrais, c'est vrai, rester un écrivain congolais, qui garde son accent congolais, même dans la langue française. Et pour terminer, le questionnaire d'un autre jour. Trois questions à piocher dans cette corbeille, Alain Baboncou. Alors, je pioche la première question. Est-ce que vous dansez? Ah ben. Ben évidemment, je danse et j'adore danser. Non seulement je danse, mais je produis même des musiciens. Un groupe qui s'appelle Black Bazaar, qui danse mieux que moi, je sais. Mais j'aime beaucoup danser parce que ça permet un peu de libérer les énergies. Toutes les danses? Toutes les danses. C'est surtout le rock'n'roll que je n'aime pas trop danser parce que ça prend de l'espace sur une piste. Alors qu'en général, les danses africaines, c'est une danse d'occupation du sol. Il faut toujours voir à quel endroit vous êtes en train de danser et laisser la place à celui qui est à côté. Deuxième question. Alors, qu'aimeriez-vous retrouver du temps passé? Waouh, ça c'est une question fondamentale. Moi, j'aimerais retrouver de mon temps passé cette insouciance que j'avais quand j'étais un gamin des rues de Pointe-Noire, où je pensais que la vie, c'était toujours continuer à errer, à courir la chemise ouverte. Mais c'est difficile de retrouver quelque chose dans du temps passé. C'est peut-être pour cela que je suis devenu un romancier. Parce que je suis conscient qu'on ne peut pas retrouver le temps passé, malgré le fait qu'il existe un roman intitulé « À la recherche du temps perdu ». Troisième et dernière question. Quel temps fait-il dans votre tête? Ouais, ce matin. Waouh! Comme nous sommes en hiver en France, je sais que chez moi, il fait un temps californien. Parfois, je regrette de ne pas être actuellement en Californie, où le temps est toujours en ma faveur. Mais c'est parce qu'il y a aussi un mauvais temps que j'arrive à rêver du beau temps. Il ne faut pas se plaindre. Il faut prendre le temps tel qu'il est et garder le beau temps dans sa tête, comme je le fais actuellement. Merci d'être passé ce matin à la Baboncou. Vous allez nous faire le générique de l'émission, le générique de fin. Merci beaucoup. Donc, c'était un autre jour et possible. Le magazine culturel très matinal de Tefi Kakem. Un autre jour est possible. C'est tous les jours à 6h du matin à la radio ou quand vous voulez, en passant par l'écoute en ligne et le podcast disponible sur franceculture.fr. Cette émission a été préparée avec la complicité d'Anaïs Hibert et Pascaline Bonnet, à la technique Michel Mestre, à la réalisation Vincent Abouchard. Merci beaucoup Alain Baboncou. Je rappelle le titre de votre roman édité au Seuil, Petit Piment. Nous on se retrouve demain et demain on continuera notre série en compagnie de Thomas Negaroff. La guerre des étoiles n'aura pas lieu. Bonne matinée sur France Culture.